Ok. Pour toutes les étoiles qui brillent dans le ciel, celles qui nous téléguident, qui nous montrent le chemin. Si. Ma bonne étoile. C'est comme un bon départ, en bon état, un pot de départ d'un bon débarras. Je te parle de ma bonne étoile, loin de lui dire bon débarras. Elle guide mes pas dans le noir, quitte à mettre les pieds dans le plat. Ah ouais, quand elle est comme ça, ça me plaît. Me fout de savoir si ça me rendra plus ou moins sympa. Je fais tout pour être dans son viseur, supplie pour qu'elle me loupe pas. Ce coup-là, je jure, je ne bouge pas. Oui, je plaide coupable, même si elle met les coups bas. Je vais être pris dans son rouage, poussé par le courage, advienne que pourra. Même si je m'en sors pas, après une sortie de route toute pourrave, parfois elle m'agrippe sous l'orage. Tu sens son aura, elle joue le rôle de l'oracle, m'avertit des ennemis de leur tacle. C'est tête baissée que je me lance quand elle ordonne d'aller au contact. Je fais le taf comme décrit dans le contrat, je lâche pas même si je finis dans de beaux draps. Au contraire, j'y laisse ma patte, ma sotra. Parfois je m'ébahis devant mon surplus de jura. Je la suis encore loin d'avoir tourné la page, n'est-ce pas ma bonne étoile? Même si des fois je la perds, c'est pas grave. Je sais qu'elle est joueuse, sérieuse, tapeuse tout comme moi. C'est comme ça que je l'aperçois, ma bonne étoile. J'suis pas du genre à fuir, c'est pour ça que je la suis jour et nuit. Dans les moments d'ennui, je sais que c'est elle qui me retrouvera. Comme à chaque fois, dans mes hauts, mes bas, dans mes fins de mois. Elle a la senteur de la gloire, le charisme du point de la victoire. La réussite personnelle d'une envie de croire, un zeste de rage dans la mâchoire. Alors, normal que parfois, je pense l'entendre me dire ne me fuis pas, suis-moi, je suis ta bonne étoile. Prends le large, largue les amarres, laisse-toi pousser par la grande voile. Je te dévoile ta force, saisis ta chance dans les moments bizarres ou dans les moments où ça se corse. Si tu te sens perdu, t'inquiète, je brille même dans le blizzard. Ouais, elle me téléguide, les déviations, moi j'oublie ça. Je me tiens droit, je ne vis pas où la populace de bobos ne vivent pas, ou qui tournent le dos sur ce qu'ils ne connaissent pas. T'inquiète, les étoiles, ça se croise et à chacun sa croix. Je laisse pas les soucis s'accroître. Crois à moi, crois de bois, crois de fer. J'en connais qui préfèrent en avoir 10 de sursis que 3 de ferme. Oh ouais, j'ai le porte-voix stellaire, Luca, rappeur, poète, étoilé. Au contraire, que j'y laisse ma patte, ma sotra. Parfois je m'ébahis devant mon surplus de jura. Je la suis encore loin d'avoir tourné la page, n'est-ce pas ma bonne étoile? Même si des fois je la perds, c'est pas grave. Je sais qu'elle est joueuse, sérieuse, tapeuse tout comme moi. C'est comme ça que je l'aperçois, ma bonne étoile. Au contraire, que j'y laisse ma patte, ma sotra. Parfois je m'ébahis devant mon surplus de jura. Je la suis encore loin d'avoir tourné la page, n'est-ce pas ma bonne étoile? Même si des fois je la perds, c'est pas grave. Je sais qu'elle est joueuse, sérieuse, tapeuse tout comme moi. C'est comme ça que je l'aperçois, ma bonne étoile.